plein de stéab. T'es de la résistance, lève la main lorsque je m'installe. Vent dessous, mec des mecs fiables, mec stéable. Attends ton heure de bonheur et d'honneur, l'instant bestial. MC, dans ta tête, sous lyrics, qui es-tu? Qu'on refoule des radios et concerts, demandant qui es-tu? T'es-tu motivé jusqu'à ce que le soleil brille? La gloire est à ce prix, patient, travaille et prie. Et écris à toi qui t'attaque, rêve de mettre des bavards dans ta tête, motivation. Grave, grave, à toi l'MC qui mérite de faire partie de l'élite. À toi l'MC qui milite, oui, à toi l'MC qu'on imite. À toi l'MC qui trim dans ton coin, à toi qui prend des coups, hein. À toi qui souffre en rappant dans ta cave avec soin. Et on est non qui à patienter dans l'ombre. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. C'est ce que t'as à faire, tout est à prendre. Tendre la gloire si tu prends le temps d'apprendre. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Tout vient à point, à qui sait t'attendre. C'est ce que t'as à faire, tout est à prendre. Tendre la gloire si tu prends le temps d'apprendre. M'adresse à toi, je ne déteste qui te laisse croire que dans cette foire, arabe et noir, y'a pas d'espoir. Je ne déteste qui craque, plus fort, rien qui parte. Encouillé pour des délits, des voies, ukrasis, sans partent. Garde l'œil sur la cible, cible l'infini. Section camouflage avant débarquement, j'insinue. MC, mec déteste, meuf déteste, en dessous. On attend notre moment de gloire et en plus, on veut des sous. Yo, range à nous les faux types, on motive les vrais types. Tant ta life prototype, soit prétendant au titre, ambition. Chacun de nous est en mission, pousse ta vision. Attends ton heure de télévision, y'aura toujours des infos. Que prendre nos places en place, je reste l'œil dans le viseur qu'on les démasque en masse. Ouvert ta pointe, à qui c'est attendre, j'arrive, oh le carry, les imposteurs n'ont qu'à se pendre. J'attendrai donc tout le temps qu'il faudra, tout vient à point, à qui c'est attendre. Qu'est-ce que t'as à faire, tout est à prendre. Tendrai la gloire si tu prends le temps d'apprendre. J'attendrai donc tout le temps qu'il faudra, tout vient à point, à qui c'est attendre. Qu'est-ce que t'as à faire, tout est à prendre. Tendrai la gloire si tu prends le temps d'apprendre. Yeah. Et on est tous forts. Et en plus, derrière ça pousse fort. Te mentirais si je te disais qu'on aura tous l'or. Une vie qui nous rend dingue, dingue. Ceux qui craquent et flingue, flingue. Rime de la jungle purifie tous ceux qui schlingue, schlingue. Goûtez pas, t'es un véritable gang, bang. Rien à craindre, hormis si tu veux nous clasher, bang, bang. Car on veut tous le top, être au top et chacun se blend, blend. J'en graine, graine, fuck life parce qu'il me faut ma Benz, Benz. J'attendrai le temps qu'il faudra, de toute façon tu seras. Ce sera mon tour lorsque t'entendras la foule. T'inquiète pas que ça fera mal, hein. Déjà que là t'as mal, hein. Tu attendais la nouvelle donne de, donc la voilà. Agression verbale, hein. All carry qui parle, hein. Sur le thème de la patience pour les groupes USCAR, hein. Alors j'attends mon heure, j'attends mon jour, j'attends mon tour, encore un morceau contact. Et maintenant, à qui le tour? J'attendrai donc tout le temps qu'il faudra, tout vient à